Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin encore notre évangile de Marc, et nous sommes au chapitre 10. Notre bon Père du ciel, tu as permis à plusieurs d'entre nous, à cause de Jésus, d'entrer dans le royaume de Dieu, d'entrer sous le règne de Dieu, de faire de Dieu notre roi, notre royaume, et c'est à cause de lui, de Jésus. Et c'est par lui ce matin que nous voulons être instruits. Nous voulons l'écouter nous parler à travers sa conversation avec le jeune homme riche. Instruis-nous. Montre-nous ce que tu veux qu'on apprenne ce matin. Amen. Hier, nous avons vu Jésus sur le chemin vers Jérusalem. Il a rencontré des pharisiens qui l'ont interrogé sur le mariage, le divorce et l'adultère. Ensuite de ça, il a rencontré une foule, je pourrais dire un groupe de parents qui ont amené leurs enfants voir Jésus. Et Jésus nous a dit que si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, il nous faut le recevoir, ce royaume, comme un enfant le reçoit. Donc, si vous n'avez pas écouté hier, je vous encourage à l'écouter. Si vous voulez savoir comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce matin, nous allons voir quelqu'un qui, je crois, est mis à la suite de cet enseignement avec les enfants pour nous montrer le contraire d'un enfant, le contraire de celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant. On va voir un adulte qui va venir avec toutes sortes d'arguments et finalement ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne va pas le recevoir comme un enfant. Et c'est une histoire, l'histoire qu'on connaît bien, l'histoire du jeune homme riche qui vient vers Jésus avec une question très importante, je dirais une des plus importantes que l'homme peut se poser. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est ce que nous allons regarder ce matin ensemble. Et je ne sais pas si on va avoir le temps de tout voir, le texte, parce que le texte va de 17 jusqu'à 31. Nous allons commencer par 17 jusqu'à 23. Ensuite, si on a le temps, on va lire la deuxième partie. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il. « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements ? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima, il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce jeune homme vient tout de suite après l'événement des enfants. Il vient, puis il vient avec tout excité, parce qu'il accourt, il se dépêche. C'est comme s'il a peur de le manquer. et il se jette à genoux devant Jésus. Son attitude très vive, très expressive, très, je dirais même, humble. Et là, il commence par dire quelque chose. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Faites attention ici, pour nous autres qui sommes des anciens catholiques, il faut faire attention parce que quand il dit « vie éternelle », nous on pense « ciel » quand il meurt. Mais ce n'est pas tout à fait ça que les Juifs pensaient. Hériter la vie éternelle pour un juif, selon ma compréhension, du moins, c'est que dois-je faire pour faire partie du royaume de Dieu? Parce que les juifs croyaient, si ma compréhension est bonne, qu'ils entreraient dans le royaume de Dieu et qu'ils seraient ressuscités et qu'ils pourraient vivre éternellement dans le royaume de Dieu. Ils ne pensent pas comme nous, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel quand je vais mourir? Mais qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Que toi, Jésus, tu dis que le royaume de Dieu est proche. Tu dis qu'il arrive. Mais qu'est-ce que je dois faire pour y rentrer dans ce royaume de Dieu et vivre éternellement là, dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Jésus ne répond pas tout de suite à la question. Et là, il dit au verset 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Oh, je crois qu'il est en train de donner un indice ici, à ce jeune homme, à cet homme. Je l'appelle jeune homme, c'est parce que les autres évangiles l'appellent jeune homme. Jésus est en train de donner un indice très fort à la réponse qu'il va donner. Il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Tu ne devrais pas m'appeler bon, à moins que tu crois que je suis Dieu. Si tu crois que je suis Dieu, tu peux m'appeler bon maître. Mais si tu ne crois pas que je suis Dieu, tu ne devrais pas m'appeler bon, parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, ça voulait dire, en partant, à ce jeune homme, il y a toute la foule qui écoute, à tous les disciples qui écoutent, il n'y a personne dans ce monde qui est bon. Et si on n'est pas des bonnes personnes, on ne peut pas faire le bien. Parce que quelqu'un qui fait le bien, c'est une bonne personne. Et Jésus nous dit ici, et il faut l'accepter. Je sais qu'il y en a peut-être d'entre vous qui se rejoignent avec ça. Mais il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Et ça rejoint ce qu'on a vu hier. Les enfants, de par nature, ne sont pas bons. Il ne dit pas, il n'y a de bon que les enfants et Dieu. Vous autres, les adultes, vous n'êtes pas bons. Les enfants sont bons, puis moi, Dieu est bon. Non, il n'y a de bon que Dieu seul. Tous les autres, ce n'est pas des bonnes personnes. Ce n'est pas des gens bons. Ce n'est pas des personnes bonnes. Ce n'est pas des hommes bons, ce n'est pas des femmes bonnes. Il n'y a de bon que Dieu seul. Ça devrait donner un indice à cet homme-là sur sa propre personne à lui. Et là, Jésus continue au verset 19. « Est-ce que tu connais les commandements? » Là, il fait référence aux commandements de Dieu, mais les 6 derniers, pas les 4 premiers. Les 6 derniers, je pense. Il dit, tu commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déraperas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, tu vas honorer ton père et ta mère. Il dit, tu connais ces commandements-là? Et le jeune homme répond sans hésiter, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Est-ce que Jésus est en train de lui dire, au verset 19, une règle, est-il en train de lui donner une mesure pour voir qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir entrer, avoir la vie éternelle? Ou si Jésus dit cela pour qu'il s'évalue et qu'il réalise s'il était capable de faire ces choses-là pendant son vivant? Et là, le jeune homme répond, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-il en train de dire, « J'ai mis ça en pratique toute ma vie. J'ai réussi à faire ça toute ma vie depuis que je suis jeune. » Ou est-il en train de dire, « J'ai observé du mieux que je pouvais ces choses dès ma jeunesse. » Mais le texte semble vouloir nous dire que le jeune homme dit, « Mais j'ai observé ça. As-tu d'autres choses à me dire de plus pour avoir la vie éternelle? Ça, je le sais déjà qu'il faut que je fasse ça. » Jésus dit au verset 21, « L'ayant regardé, il l'aima. » Il l'aime. Est-ce qu'il l'aime parce que c'est un bon gars? Ben non. Il vient de lui dire qu'il y a juste Dieu de bon. Fait qu'il ne l'aime pas parce qu'il est un bon gars. Est-ce qu'il l'aime parce qu'il a observé toutes ces choses dès sa jeunesse? C'est pas facile à déterminer. Mais une chose est certaine, Jésus l'aime. Il dit, tu veux savoir comment faire pour avoir la vie éternelle? Est-ce que c'est pour ça qu'il l'aime, qu'il cherche à avoir la vie éternelle? Et Jésus va lui donner la réponse. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Va chez toi. Vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. C'est pas compliqué. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. « Viens et suis-moi. » Est-ce que Jésus est en train de nous dire ici que faut faire le vœu de pauvreté, comme certains mouvements religieux, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? Donc, s'il avait arrêté là, puis il aurait dit « Va, va chez toi, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et va te joindre à un monastère quelconque, rentre dans un couvent quelconque, va te réfugier dans une caverne quelconque et vis simplement, humblement, pauvrement. » Mais il n'arrête pas là. Il dit, « Viens et suis-moi. » Pourquoi? Parce que c'est Jésus le moyen d'avoir la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, « Je suis la vie. » C'est lui la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui fait entrer dans le royaume de Dieu. C'est lui la porte. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui le moyen, l'unique moyen. C'est lui le seul sauveur. Il dit, suis-moi, viens avec moi. Je vais t'instruire, je vais te montrer comment faire pour avoir la vie éternelle en moi. Enlève de ta vie ce qui t'empêche de me suivre, et viens et suis-moi. Abandonne tout, tout de ce monde, et suis-moi. Laisse tomber tout de ce monde, et suis-moi. Et tu vas avoir la vie éternelle. Ça veut-tu dire que les pauvres ne peuvent pas avoir la vie éternelle? Les pauvres ne peuvent pas aller vendre ce qu'ils ont, ils n'ont rien, ils sont pauvres. Est-ce que le royaume des cieux, c'est seulement pour les riches qui abandonnent leur richesse? Mais non, Jésus dirait à un pauvre, « Viens et suis-moi. » Jésus a appelé les gens à le suivre. Laisse tomber tout ce que tu as. Viens et suis-moi. C'est moi le moyen d'avoir la vie éternelle. Et là, Jésus dit au verset 22, ce jeune homme-là était très triste, très, très, très, très, très triste. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui avait beaucoup de biens, était très riche. Il n'est pas prêt à abandonner ses biens. Donc, il abandonne plutôt Jésus. Et il garde ses biens. Verset 23, Jésus dit, en regardant ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il dit que ça va être dur pour ceux qui sont riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et que c'est dur. Nous allons voir demain que c'est même impossible. Parce qu'il va dire que c'est plus facile à un chameau de passer dans une aiguille. Il dit, et que ça va être dur. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas abandonner. Ils évaluent leur richesse comme étant plus importante que Jésus. Ils évaluent leur monde, leur vie, leur richesse plus importante que Jésus. Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir nous dire ici? Si vous n'êtes pas riche, vous allez dire, mais ça ne s'adresse pas à moi, ça s'adresse juste à lui parce que lui était riche. Non, le principe est le même pour tout le monde. Ce que le principe, c'est renonce à ta vie. On l'a vu dans les semaines passées. Renonce à ta vie. Renonce à toi-même. Renonce à ta personne. Renonce à tout ce que tu as, tout ce que tu es. Et tourne-toi vers moi. Tu dois me prendre, moi, comme le seul moyen pour avoir la vie éternelle. Mais tu ne peux pas m'avoir si tu ne renonces pas à tout ce que tu as. Peu importe ce que tu as, tu dois renoncer à ta vie si tu veux que je te donne ma vie pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu et que tu aies la vie éternelle. Tu dois mourir à toi-même. Moi, quand on dit qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, on a donné aussi notre portefeuille. On a donné aussi nos diplômes. On a donné aussi nos talents. Ça veut dire qu'on va utiliser tout ce qui était à nous, qu'on se pensait qui était à nous, qu'on considérait à nous. On l'abandonne ou on va décider que c'est tout cela maintenant ne m'appartient plus, ça va appartenir à Jésus. Ça va être des outils pour servir Jésus, pour servir Dieu. Je renonce à tout. Et je te prends, toi. C'est lui le moyen d'avoir la vie éternelle. On va voir demain. Les apôtres vont dire, nous, on a tout quitté pour te suivre. Et Jésus va dire, ouais, à cause que vous avez tout quitté, pour moi, voici ce que vous allez avoir. Donc, ce n'est pas juste le jeune homme riche ici qui doit quitter. Dans ce temps-là, dans du temps de Jésus, quelqu'un qui voulait devenir un disciple de Jésus devait tout abandonner et commencer à suivre Jésus à travers le pays d'Israël. C'était littéral. Tu devais tout abandonner pour suivre Jésus. Tu laissais en arrière père, mère, souvent famille, richesse, terre, ferme, et tu suivais Jésus. C'est ce que Jésus nous appelle à faire. Nous allons continuer à parler de cela demain. Notre Père du ciel, merci que la vie éternelle se trouve dans ton Fils Jésus et que c'est lui le moyen pour entrer dans ton royaume afin de pouvoir te servir.